cet arbre noir, cet arbre plein d'asticots. Je mesure, j'éprouve toute la longueur du chemin que j'ai parcouru, l'éloignement, avec ceux que l'on appellerait les miens. Maintenant, moi, petit homme, parti de la ville du Rueil pour gagner les terres neuves, j'ai fait vraiment du chemin, mais me suis-je égaré en route ? Mon premier voyage, je me suis perdu, totalement perdu. Quand j'ai gagné l'Iroquoisie et les Agniers, rejoint les Agniers, en fait, je les ai pas vraiment rejoints, ils se sont emparés de moi. J'étais parti chasser la sarcelle et d'autres oiseaux d'eau et j'ai trouvé les corps percés de flèches de mes deux compagnons de chasse qui avaient renaclé à suivre le chemin que je leur proposais et ils me sont tombés dessus et je suis entré dans leur pays. Je suis devenu un agnier. Parmi d'autres, moi, Pierre. Moi, le petit-fils de drapier, venu de Paris, ayant traversé l'océan pour aller me perdre dans cette grande étendue sauvage. Trouver ici le Mandoag, les esprits sombres du bois dont parlaient les Hurons. Après l'épreuve, lorsque je fus l'un des Agniers et que mon père m'autorisa à chasser et que ma mère me remit le wampou pour la guerre, porter la guerre au pays d'en haut, j'aurais pu m'échapper totalement, ne pas gagner le pays de Fort Orange, ne pas répondre à l'invitation de ce soldat français et repartir au pays j'aurais pu aussi rester à Rouen, rester dans la ville, vivre de la pelleterie et de ma petite réputation, mais non, ce n'était pas suffisant. Quelque chose en moi a été cassé. Je suis revenu au pays vert, au pays sauvage, et je suis revenu coureur de bois. J'ai suivi la réputation des groseilliers. Le groseillier avait toute l'attitude pour trouver à m'employer maintenant qu'il avait son congé. Il pouvait courir le bois en toute légalité et avoir son quart de pelleterie prélevé, sa petite fortune et sa réputation à lui. Et moi, je me suis cru coureur de bois et j'ai oublié ce que j'ai appris auprès de ceux que j'ai rencontrés dans le bois, le long de la rivière Longue. Tantôt François, tantôt Anglois, j'ai couru la rivière à perdre mon chemin. Convaincu sans doute que c'était là les desseins du grand, de notre bon Dieu, que je devais courir le bois, mais c'était surtout écouter ce que j'avais en mon cœur. Et me voilà maintenant réduit au cœur du bois, le long de cet arbre pourrissant, dans une solitude que les plus braves parmi les braves, ceux dont les tatouages ne se comptent plus sur le corps, ceux qui ont tué tant et tant qu'ils en ont oublié leur nature propre, cela, je pense, hésiterait à s'enfoncer plus dans le bois, se perdre. Nos chemins sont des errances. Comment qui dit les groseilliers? Lui, le... Ah oui. Il dit que je suis un brimbeu. Un de ces brimbeux perdus dans les marais. Jusque-là, j'en ai pas vu de marais. Les seuls marais dont je me souvienne, c'est ceux où je me suis perdu au tout début, où j'ai quitté Trois-Rivières pour aller chasser la sarcelle et où j'ai perdu mes sœurs. J'ai renoncé à mes sœurs en devenant coureur du bois. J'ai renoncé à Marie, Marguerite et Elisabeth, mes trois jeunes sœurs restées à Trois-Rivières. Et j'ai décidé de m'ensauvager, de devenir l'un de ces aventureux, ceux qui courent le bois à en perdre leur âme. J'ai affronté vaillamment. J'ai eu cette vaillance et ma mère m'a reconnu parmi les suppliciés, lorsque la foule s'est fendue, que les coups pleuvaient, j'ai serré les dents, j'ai oublié ma douleur, j'ai conjuré le souvenir de mes sœurs, je me suis convaincu que je les retrouverai un jour, et lorsque de Rouen, je suis revenu après avoir transité par Amsterdam. Lorsque j'ai abordé Terre-Neuve, j'ai remonté le long fleuve et suis revenu à Trois-Rivières. J'ai retrouvé mes sœurs. Je les avais donc pas perdues. Mais ce n'était que pour me perdre à nouveau. Je suis devenu un esprit. je suis celui qui a surmonté les coups dans le cercle des braves. J'ai surmonté la douleur, ils m'ont arraché des ongles, ils m'ont tordu les bras, m'ont écrasé les doigts. J'ai encore mon pouce qui répond bizarrement, mais ça ne m'empêche pas de tirer le mousquet, surtout le bon mousquet que j'ai glané contre de la pelleterie auprès des gens d'Orange. Maintenant, je cours le bois. Je cours le bois tant et si bien que j'ai à nouveau perdu mes sœurs. Je suis Pierre Esprit Radisson. Je suis autorisé par le Rouet et Jean de Anzon à traiter la pelleterie avec les Hurons et les Ouatais. Et désormais, je suis perdu sur cet îlot isolé, en passe de devenir un mandouraque. Ma besace est vide, mon sac est troué. J'ai tout perdu dans mon errance. Au cœur du bois. Mais ce que j'ai perdu de plus précieux, c'est le souvenir de mes sœurs, Marie, Marguerite et Elisabeth. Peut-être ne les reverrai-je jamais. Je me retrouve. Devant cet arbre. Encore cet arbre. Je ne l'ai pas croisé qu'une seule fois. Ça fait plusieurs fois que je le croise. Tous mes chemins mènent à lui. Quand j'en le voyais au loin, je continuais à avancer, même si je savais que c'était pas le bon chemin et que ça allait continuer encore et encore. En étant devant, la première chose que je pensais, c'était trouver une sortie. À ce chemin qui se répète et se répète encore et encore. Je me mis à courir dans la forêt. C'est le seul chemin que j'ai pas emprunté. Là où il n'y a pas de chemin. Je continue. Sans arrêt. Jusqu'à mourir de fatigue. Je m'arrête. J'essaye de penser du moins. Comment je me suis retrouvée ici? Même en cherchant au plus profond de ma mémoire, je n'arrive pas à trouver. Pourtant, ça n'était pas si longtemps que ça. À chaque fois, depuis le moment que je n'arrive pas à me souvenir, J'ai l'impression de revivre plusieurs fois la même vie. De repasser toujours le même chemin. De rencontrer toujours la même personne. Mais c'est peut-être qu'une impression, après tout. J'essaye de continuer, mais la nuit commence à tomber. Toujours à la même heure, toujours au même moment. Et sauf que cette fois-ci, c'était encore plus sombre. Je ne voyais pas devant moi. J'avais peur de croiser des bêtes féroces. Mais... tout en marchant, j'essaye de trouver un abri. Ou de quoi manger. Parce que je commence à être quelque sorte affamé. Je marche, marche. À l'infini. Sans destinée. Je ne sais pas quand tout va s'arrêter. Je me demande pourquoi. Comment. Jusqu'au moment où je trouve une espèce de grotte bizarre. Bizarrement. Mais je me réfléchis dedans et elle a l'air abandonnée. Enfin, il n'y a pas de vie sauvage à l'intérieur. À part des insectes qui se baladent par-ci par-là. Je décide de passer la nuit ici. Je pose mes affaires et j'essaye de dormir. Mais c'est très dur. Avec le risque que j'ai pris. Et ça se trouve, ce chemin-là va encore me conduire à cet arbre. Encore et toujours, cet arbre. Qui a l'air mort de première apparence, mais vivant. Je ressens qu'il est toujours vivant, mais rongé. Il est mort, mais maintenu par quelque chose... de pas très... comment dire... pas très... en quelque sorte... neutre. Pas très... lumineux. Plutôt sombre. La nuit se passe. Se passe très lentement, mais elle se passe. Qu'est-ce qui te pourchasse? Je ne sais pas trop. Rien ne me pourchasse, mais j'ai peur que quelque chose me fasse. Du coup, j'essaye de me cacher au maximum. Derrière un rocher. Dans un petit coin de la grotte. J'entends des fois des bruits bizarres. Pas communs de la forêt. Des bruits. Pas normal, à d'habitude. Mais après... c'est une des seules fois que j'ai pas l'impression de pas revivre une chose. Après, la nuit continue d'avancer. J'ai l'impression que le matin n'arrivera jamais. J'entends même les bruits d'insectes au fond de la grotte. C'était une des pires nuits que j'ai vécues. Mm-hmm. Je me suis égaré moi-même. J'ai abandonné ma course, ma traite. Lorsque j'ai repéré la jeune fille errante, son visage pâle, maculé de boue, sa robe déchirée par les ronces, les ronces dans les bois. Elle portait à la taille un wampou que les pluies avaient rincé. C'est l'une de ses captives. Et pourtant, quand son visage m'est apparu au clair de lune, j'ai l'impression de l'avoir au fond du cœur. Cette vieille blessure, elle ressemblait tant à Marie, ma sœur, que j'avais oubliée, négligée en quittant Trois-Rivières. Ce n'était pas possible, ça ne pouvait pas être elle. Hésitant, je me suis approché, pas comme l'aurait fait un coureur de bois, avec prudence, en regardant de ci de là si cette proie facile n'avait pas dans son sillage attiré quelques ours sur le sentier de la guerre. Ceux du silex m'ont proscrit sur leur territoire, sur leur chasse, sur leur voie. Je suis promis à la mort. Et ce sont les premiers à aller quérir quelques femmes de François ou d'Anglois pour agrandir leur communauté. Et il serait bien de Marie d'avoir survécu aux avanies de la captivité. C'est sans retenue et sans précaution que je me ruais vers elle, et elle en fut tant et tant effrayée, moi couvert des marques du coureur des bois que j'étais devenu. Des bois, oui, parce que je ne suis plus le coureur de bois, je n'ai plus de pays à moi. Je porte les couleurs des Iroquois, des bas et la mise d'un Anglois, le mousquet des Oranges, et je parle maintenant Huron, car c'est en Huron que me vient... Mais non, attends, elle ne me comprend pas, elle s'éloigne, elle m'échappe, car je n'ose la suivre. Je vois la terreur sur son visage. Quand elle me voit hirsute émerger des buissons, le mousquet d'une main, mon sac dans l'autre, je le néglige, le dépose, cours à sa suite, et longtemps je lui cours après, sans trop presser le pas pour ne pas finir de l'effrayer. Nous courons jusqu'à perdre nuit, nous perdre dans la nuit. J'ai égaré une partie de ma provende. Je l'ai rejoint, mais ce n'est pas Marie. Ce n'est pas ma Marie. Ou peut-être est-ce elle. Peut-être est-ce. Est-elle ma Marie, mais elle a tant et tant changé. La peur l'a transformée. Une blessure qui ne pourra jamais guérir cette condition dans laquelle elle a été jetée au cœur du bois pour chasser par les Mandorak. Et il me faut la protéger désormais. Nous n'avons plus rien à manger. Nous avons couru tant et tant au cœur du bois, au cœur du marais que j'avais négligé de connaître au détour du haut pays. Et j'ai mal, mal, très mal. L'endormeuse des morts m'a saisi. Je suis le duc de mauvaise mort. Nous errons. J'affirme connaître la voie, mais je sais fort bien que je suis totalement égaré. Nous tournons en rond dans ce marais, et toujours à notre suite, à nos basques, ceux qui nous donnent la chasse. Je suis condamné à répéter les mêmes erreurs. Je suis condamné à rester un homme de bois, un coureur de bois ou un coureur des bois. Je doute de jamais le savoir, il ne nous reste plus qu'à manger cette viande avariée que nous propose cet arbre dont m'a parlé l'ancien lorsque j'étais parmi les âniers. Si nous mangeons la viande, nous échapperons à nos poursuivants, mais nous échapperons aussi à nous-mêmes. Je suis toujours assise dans cette grotte, à rien faire. J'entends toujours ces bruits bizarres qui viennent du fin fond de la grotte. Je me suis une fois déplacée là-bas, mais si n'était il n'y avait rien, à part toujours les insectes. Mais ce n'était pas le bruit des insectes. C'était autre chose. Autre chose d'invisible. De léger. Qu'on pouvait ressentir. Une espèce de présence. Je les écoutais, des fois. Quand la nuit était beaucoup trop longue pour moi. Ce qui était souvent le cas. Je les écoutais, des fois ça semblait à des paroles, des mots, des phrases. Je ne me souviens pas totalement ce qu'elles voulaient dire, mais je les écoutais avec attention. C'était dans une autre langue, mais j'avais l'impression de les comprendre. À l'intérieur de moi. Puis la nuit s'est finie. Je suis sorti de la grotte et j'essayais de chercher de quoi manger. Car je n'avais rien mangé depuis. Je ne voyais pas de quoi manger à part les insectes. Mais je pouvais bien m'en passer. J'en ai mangé quelques-uns au passage. Mais ça n'a pas calmé ma faim. Je marche dans la forêt qui n'a pas de fin, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle s'agrandit à chaque fois que je pose un pied au sol. Je marche, j'entends toujours ces voix qui me suivent. J'ai l'impression d'être folle au fur et à mesure. Je marche. Puis je trouve des espèces de baies. Elles ont l'air comestibles. Avant, j'étudiais ce qui se mangeait, ce qui était empoisonné. Du coup, j'en pris quelques-unes et j'allais chercher de l'eau. S'il y en avait. Je marchais. Les esprits, en quelque sorte esprits, me suivaient toujours, parlaient toujours. Je les écoutais, encore, et toujours. Plus ils me parlaient, plus je m'assimilais à eux, plus j'avais des ressemblances. Même si je parlais pas leur langue. J'ai l'impression de devenir comme eux, au fur et à mesure. Perdu dans notre forêt. J'ai l'impression qu'avant ils étaient comme moi. Mais puis ils sont perdus. Et ils errent dans cette forêt depuis des siècles. Puis je continue avec eux. J'ai l'impression qu'ils m'avertissent de quelque chose. Mais de quoi? Je ne sais pas. Il n'y a pas trop d'animaux à part des lièvres, des rongeurs.